Débrief de la semaine, c'est une ambiance de feu avec vos chroniqueurs préférés. Le débrief de la semaine, c'est l'actualité, la musique, l'humour et surtout de la bonne humeur pour un bon début de week-end. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez-les chaque année, l'été comme l'hiver. Et on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Le débrief de la semaine, on s'en jaille tous ensemble. Bon, ouais, allons-y. Non, tu me donnes le coup d'envoi quand tu es prêt, tu me donnes le feu vert. Oui, et puis surtout, on m'a parlé de certains handicapés qui sont très puissants. Oui, sur quel plan ouais, ils gagnent les jolies femmes. Débrief de la semaine. Le débrief de la semaine. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Beke FM, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro encore du débrief de la semaine. Voilà, une émission au cours de laquelle nous vous donnons toutes les informations concernant notre région, en premier lieu et bien sûr toute la nation, la République. Alors, mesdames et messieurs, comme toujours, nous nous retrouvons avec nos différents chroniqueurs qui s'échangent les places, bien sûr. Alors, je vais commencer par saluer Alvina. Bonsoir Alvina, est-ce que ça va? Ça va très bien. Bonsoir monsieur le DG. Ok, alors s'il te plaît, ici c'est pas le DG. C'est, voilà, tu peux trouver un nom mignon, chouchou. Voilà, DG c'est trop dur. DG, c'est là, c'est bon DG. D'accord, je vais chercher. Ok, pas de problème, j'ai compris. Alors Fatem Koulibaly, comment tu vas? Toujours, je vais bien, je me porte bien. J'espère que c'est le cas pour vous également. Ah oui, moi je me porte à merveille, surtout que j'ai réussi à sortir tout le monde, tous les garçons du plateau. Je me retrouve rien qu'avec des filles. Bien je me sens en sécurité, bien encadré. Je ne suis pas en sécurité donc, tant que moi je suis là. Avec lui. Johnny, c'est le dernier à être cité. Sinon, j'allais dire qu'avec les filles, l'une, je retrouve l'amour qui est Rachel. Voilà, avec Rachel, je retrouve l'amour. Avec les deux autres, l'affection maternelle et fraternelle, bien sûr. Rachel, comment tu vas? Je vais très bien, Batlémy, et chez toi? Rachel, oui, ça va très bien. Attends, j'ai fait exprès de... Attends, mais en fait, laissez lever la voix tout à l'heure. C'est pour confiner, ça vient de commencer. Émission là, la voix tout à l'heure. Alors, j'ai fait exprès de poser la question, comment tu vas? Parce que je sais très bien que, voilà, j'ai vu ton visage le matin, c'était bien, bien souriant, voilà. Mesdames et messieurs, aucune surprise, c'est bien. Il y a Tchikoulibaly qu'on reçoit, j'ai... Le débrief de la semaine. Le débrief de la semaine. C'est le décryptage de toute l'actualité de la semaine. Les potins d'ici et d'ailleurs en 2 heures. En août 2021, oui. En août 2021, j'ai intégré proprement dit la communauté Europort. Mais avant ça, j'étais inscrite sur la plateforme en 2018. La plateforme numérique. Numérique, voilà, je participais au challenge, je répondais. Et puis par la suite, j'ai intégré une ONG, une structure encore qui milite dans le digital, la promotion du digital. Mm-hmm. Et par la suite, je sais pas, il y a une ONG que j'oublie tout. Voilà. Ça arrive quand on est si jeune et que. Assez de choses. Voilà, on agit un peu partout. C'est comme ça que je suis restée. Après un camp national de Europort en août dernier, et on m'a dit, ma chérie, tu as participé à notre camp, donc tu es forcément Europort boîtier maintenant. Ah. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à participer à une à deux activités l'année dernière, et cette année ça a commencé proprement dit. Mais déjà, je voudrais souligner que quand j'étais au lycée, j'organisais certaines rencontres avec mes amis, on parlait un peu de tout, mes camarades proches. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Mais je veux dire franchement, dit, lorsque j'ai mis le pied dans l'engagement, c'était avec AUSEC. C'était avec AUSEC. Et maintenant, Europort, où je suis en plein. Et aussi avec d'autres structures. Est-ce que tu le fais parce que c'est une question d'aspiration profonde, ou est-ce que c'est parce que voilà, on se dit qu'il faut passer par là pour... Voilà, et c'est la mode, ou bien je cherche travail? Pas du tout. Moi, je le fais parce que j'ai envie, au fait. en fait, puisque j'étais là, c'est ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie d'être au contact des gens. Au début, quand je voyais, je me dis, attends, ceux-là, ils font quoi, au fait? Voilà, je ne savais pas trop c'était quoi. Mais après, je me suis rendu compte que c'est comme moi, je faisais avant. C'est pareil qu'ils étaient en train de faire. Seulement qu'eux, ils sont bien structurés. Ils ont une structure qui a un nom. Et puis, ils sont suivis, tout et tout. Et voilà, je le fais parce que j'ai envie de donner, j'ai envie de participer aux choses de la communauté. Oui, voilà. Oui, et puis la création de Koyach. Koyach. La dernière innovation. Alors, Koyach, c'est... D'abord, c'était depuis l'année dernière, en fin d'année 2021, pour entrer en 2022. J'ai nourri l'idée avec une camarade, c'est elle qui a le co. Moi, je suis le yacht. Kofi, au fait. Donc, on a Kofi. Voilà. Ah, c'est maintenant que je comprends. Alors, je me demandais, yacht. Je savais que la racine du mot, c'est bien sûr yacht. Voilà, le co, yacht. Voilà, ça. Voilà, c'est un peu ça. Il fallait donner un truc un peu original. Où les gens vous disent, mais ça, là, ça veut dire quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, je vous ai dit, personne ne le savait. Oui, je me suis dit aussi que j'allais demander, ça signifie quoi? Est-ce que c'est un sigle? J'allais en voilà. venir. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sigle, par exemple, Corona, homologation, bon, O, bon, c'est homologué, c'est pas avec non, O, c'est H. H. Ah, donc, quel mot tu peux trouver à partir de O? Original. Original, et puis Y. Organisation, yaourt. Donc Koyach, c'est comme ça. On était là et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait des points en commun. On avait traversé certaines situations en commun et on a réussi par la grâce de Dieu à les surmonter tout en étant en contact avec la prière et puis Dieu, tout ça. Donc on a dit pourquoi pas étendre cela afin d'apporter un plus aux personnes qui ont vécu la même chose que nous. Au début, ça a commencé sur le fait de pouvoir être un centre d'écoute pour les personnes qui peut-être... un manque de bien-être, un manque de personnes qui puissent les écouter. Et voilà, au départ, on voulait faire ce centre-là et puis aussi participer dans les questions de lutte contre l'hygiène menstruelle. Oui, parce que là, j'ai vu un jour un post sur la question d'hygiène menstruelle. Est-ce que c'est encore un problème en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Si par exemple, j'ai vu un reportage dans certains pays où les jeunes filles, les adolescentes, les nouvelles adolescentes n'ont pas suffisamment d'hygiène, de serviettes hygiéniques. Voilà. Tout à fait. Et d'autres aussi ont du mal à pouvoir gérer ces périodes de règles. Tout à fait. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a encore certaines filles qui ne savent pas ce que c'est que des protections hygiéniques? Tout à fait. Ça existe. Et oui. Certaines filles qui, lorsqu'elles sont dans cette période-là, ne peuvent pas aller à l'école. Déjà, il y a la douleur qui est là. Ou celles qui font les règles douloureuses. Tout à fait. Et aussi les garçons qui sont insensibles, qui passent le temps à se moquer. Et quelque part, ça passe quasi tabou. Hein, parce qu'on ne sait pas, une fille ne va pas venir dire « je ne suis pas venue hier » parce que... Vous voyez que sur le plateau, c'est déjà tabou encore. À cause des menstrues. Tout à fait. Parce que je voulais que les mots sortent, il faut dire les choses correctement. Donc on voulait mettre fin au sujet tabou. Et par la suite, on a décidé d'étendre cela et la lecture est rentrée en ligne des comptes. Puisque lorsque je faisais souvent certaines campagnes de sensibilisation... Avant que tu ne continues avec la lecture, juste un petit témoignage pour appuyer ce que tu viens de dire. Je revenais de l'école un jour lorsque à Ouyansou, là, il y a une primérienne qui venait, une jeune fille de CM2 certainement, voilà, mais je vois qu'elle avait déjà ses dessins, mais pas assez développés, et il y avait quelque part sa jupe qui était mouillée, et il y a une dame qui vendait les seaux devant elle s'en est rendue compte, elle a appelé la jeune dame. Donc la petite ne savait pas de quoi il s'agissait, la dame lui a dit, arrivez là-bas, faut dire à ta maman. Faut lui montrer avec un air beaucoup sérieux. Je comprends déjà. Sans l'expliquer même ce que c'était. Sans véritablement l'expliquer. Hein. Pourtant, voilà. L'éducation, ce genre d'éducation, c'est pas forcé que ça commence à la maison. Surtout qu'en Afrique, tu vois, peut-être un parent sur 10 qui s'assoit pour parler ce genre de choses. C'est avec rare. Son enfant, voilà. Mais bon, chacun essaye de faire sa part. D'accord, c'était comme ça. Et après, on a décidé d'étendre la chose à la lecture, puisque aujourd'hui, on est en quête de savoir. Beaucoup de jeunes, en tout cas parmi nous, veulent aller à la quête du savoir, mais ne veulent pas, au fait, mais ne trouvent pas les moyens qu'il faut, n'ont pas l'accessibilité qu'il faut afin de pouvoir approfondir leur savoir. Donc aussi, on a fait un constat où au sein de nos différentes écoles, il manque de bibliothèques et tout ce qui va avec. Et comme moi-même, j'aime lire. Et en certains moments de ma vie, je me suis plongée à la lecture pour pouvoir découvrir certaines choses. J'ai dit, donc c'est une bonne idée. On va mettre tout cela ensemble avec un côté de leadership pour former Koyach. Mais je rappelle que voilà, c'est le côté lecture que les gens voient le plus, parce que c'est ce que je mets le plus en avant. Tout à fait. Déjà, c'est ce volet-là que j'ai pris pour participer au concours Miss 2.0. Et aussi, c'est ce volet-là sur lequel je veux vraiment mettre l'accent. C'est vrai que les autres comptent, mais je veux vraiment mettre l'accent sur la lecture pour que aujourd'hui la jeunesse arrive vraiment à trouver de l'estime, à trouver de la connaissance à travers nos livres. De la lecture, voilà, donc si on fait le résumé de tout ce que tu viens de dire, votre ONG est beaucoup axée sur la question d'éducation sexuelle et de la lecture. Et du leadership. Alors, et du leadership. Mm-hmm. Et c'est moi pas typique savoir. Féminin voilà. Ou masculin voilà. Notre leadership ne se conjugue pas au féminin, c'est en leadership. Comme elle a dit tout à l'heure à l'entame de l'édition, il ne faut pas genrer le leadership. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas deux types de leadership, il n'y a qu'un leader, seul leadership. Leader. Un leader, c'est un leader. Okay. Donc pour nous, c'est vrai que c'est... En fait, nos programmes de leadership, ça sera avec tout le monde, que ce soit une femme ou un homme, pas de trait. Et puis mettre tout le monde au même pied d'égalité, apprendre la chose. Voilà. Donc, chez nous, ne se conjugue pas au féminin, mais c'est le volet bien-être, éducation sexuelle qui se conjugue au féminin. Alors, on va revenir sur la question de leadership parce que, en fin de compte, on va savoir, est-ce que tu vas répondre à la question finale. Tu parles beaucoup de Dieu, et tu l'as répété près de 2 à 3 fois ici. Tout à fait. Voilà. Donc, je me demande pour une fille qui parle de Dieu, qui participe à Miss 2.0, voilà, c'est vrai qu'il y a le volet intellect, Miss, c'est pas trop conforme souvent aux questions de Dieu vu, voilà. Tout à fait. Monsieur Bakémi dit les choses. Vous avez dit sans tabou. Sans tabou, effectivement. Mais je pense que Yatch. Elle a compris. Tout à fait. Comment j'ai entendu parler de Miss 2.0 lors de la première édition, j'ai dit, attends, Miss 2.0. C'est quoi? Déjà, je savais que c'était digital dans la pub, mais j'ai dit Miss. J'ai pensé à quelqu'un pour pouvoir participer, mais je sais que cette personne-là, si c'est pour aller défiler en maillot de bain, c'est pas ça. Et quand j'ai informé la personne, par la grâce de Dieu, c'est elle qui a été Miss 2.0, première édition, Marie-Lucienne, que je salue au passage. Oui. Elle m'a dit, elle, après les renseignements, il n'y a pas de défilé en maillot de bain. Le concept de Miss 2.0 est axé sur la promotion du leadership féminin, de l'engagement communautaire de la jeune fille au sein de sa société. Marie-Lucienne, je rappelle, c'est 2020, voilà. Oui, 2020. Et c'est tout ça au fait. On met plus l'accent sur l'intellect, le leadership et l'engagement communautaire de la jeune fille. Là-bas, il faut avoir un projet à impact social. Mm-hmm. Il faut avoir un peu dans la tête. Il faut être sociable. Et il faut pouvoir convaincre les gens afin de mettre le choix sur ton projet. Donc là-bas, on ne s'échange pas plusieurs fois. Ouais. On est très bien habillé, quel que soit ce que tu fais. Vous voyez la preuve, moi je suis voilée. Ça ne m'a pas empêché de participer au concours. Donc il n'y a vraiment rien de l'autre côté dans ce concours-là. C'est le seul concours de gens que je salue. Je sais très bien que ça allait coincer. Voilà, si jamais on devait te demander de marcher, de défiler en maillot de bain devant tout un public, c'est carrément différent. J'ai posé exprès cette question. Mm-hmm. Voilà, mais je pense que le temps qu'on se retrouve, parce que là, tu as bien parlé, on a bien écouté, mais il y a encore des sujets qui restent. Voilà, donc le temps qu'on revienne, on va faire un tour vers la technique, écouter un peu de musique et puis voilà, se retrouver. Come on, come on, come

Des retours sur notre plateau, mesdames et messieurs, habitants de Boaké et des villes environnantes, et surtout des Ivoiriens qui résident à Washington. Beaucoup de soutien surtout aux Ivoiriens qui sont aussi en Tunisie actuellement, qui subissent beaucoup de prières pour vous, à l'image de notre invité qui se consacre beaucoup et qui confie beaucoup de ses problèmes à Dieu. Je pense bien que c'est le moment pour vous de confier les problèmes à Dieu et tout va bien se passer. Nous aussi, étant ici en Côte d'Ivoire, on prie pour vous. Mesdames et messieurs, aucune surprise, c'est bien Koyach, Yach plutôt, Yach Koulibaly qu'on reçoit. Koyach, Yach, c'est déjà lié. Koyach, non, on reçoit l'ONG. On reçoit l'ONG. Voilà, donc Yach Koulibaly, Yémen. Voilà, que je prononce très très bien, qu'on reçoit. Je vais rappeler encore comme un chapelet. Qu'elle est diplômée dans brevet de technicien supérieur en production animale. D'ailleurs, Yach, est-ce que tu exploites bien ce volet-là aussi, technicienne en production animale? Légèrement. Parce que là, je vois que tu es responsable de la communication à Hybrid Corporation, qui est une start-up. Digital. Voilà, vous faites quoi là-bas? Là-bas, on est dans tout ce qui est le digital, c'est-à-dire travailler sur la présence en ligne des entreprises, création de logos, de gestion de pages sur Internet. On est plus axé sur le fait de pouvoir créer une visibilité aux entreprises qui nous sollicitent sur les différents réseaux afin de leur permettre d'avoir une plus grande rentabilité. Un peu comme les communities. Oui, on a des communities au sein de notre structure. Donc moi, en tant que responsable communication, j'ai toutes ces personnes-là sous mon aile pour pouvoir travailler. Ok, journaliste animatrice, dans une radio de La Place. Journaliste, à quel moment, animatrice, à quel moment, peut-être on pourrait voir que dans un premier temps, sans t'approcher, sans te taquiner, que tu es timide, à quel moment ça vient? Ça vient quand ça doit venir. Ça vient quand je suis au contact de la chose, quand je dois faire la chose au fait. Parce que je suis quelqu'un de beaucoup timide, très timide. Oui. Bon, je ne sais pas où le courage me vient de pouvoir m'exprimer ou bien parler beaucoup. Vous voyez souvent mes interactions sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, je peux dire, je fais assez d'efforts. Je mets ce côté-là de côté et puis voilà. Est-ce que tu sens que rien que de par ta polyvalence, tu as envie de tout faire à la fois? Oui. Par moment? Oui. Ça te surcharge? Je sens la sécurité qui fait que ça. Souvent, j'ai envie de tout faire à la fois parce que, mine de rien, dans ce que je suis, je sais que je suis capable de le faire. Les choses qui est que souvent, il faut que je délègue certaines tâches. Mais. Tu sens que tu peux tout faire. Je sens que je peux tout faire. Je la comprends. Souvent, quand c'est comme ça, tu as l'impression que le travail est bien fait quand tu le fais toi-même. Ou bien quand tu as un pied là-dedans. Mais souvent, je ne veux pas tout le temps être. Souvent, quand je délègue certaines tâches, je veux que ça soit fait sans qu'on vienne me demander. Quand on vient me demander, je dis, c'est comment mais je pourrais faire. Ah. C'est parce que j'ai voulu vous donner l'opportunité que je vous ai donnée. Et actuellement, vous avez une secrétaire qui travaille avec vous. Voilà, comment ça se passe votre collaboration? Très bien. En quoi consiste ces tâches? Ces tâches consistent à pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes, gérer certains travaux tels que la rédaction de courriers, chercher des partenariats et puis beaucoup de choses à la fois. C'est tout ce que le secrétaire doit faire, qu'elle fait en fait. Ah, ok. Est-ce que tu peux nous faire le plaisir de nous dire son nom? Elle s'appelle Makonvi Kone. Makonvi Kone. Makonvi Kone. Oui, très joli, non? Tout à fait. Normal. Elle, c'est Makonvi Kone. C'est mon amie, ma petite sœur et ma collaboratrice. Ok. Ouais. Alors, parlons de toi. Il faut savoir aujourd'hui que quand on parle de Yach, tu es carrément devenu une icône en moins de 3 ans. Je l'ai dit tantôt que tu as une page qui est très suivie. Voilà, donc par rapport à plusieurs personnalités de la région, tu as une page qui est très suivie. Il y a beaucoup d'interactions sur cette page. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que tes pères te voient? Ton entourage, comment est-ce qu'il te voit? Mon entourage me place à un niveau où moi-même je ne me vois pas encore. Voilà, on me considère comme un modèle. On me considère comme quelqu'un qui est beaucoup courageux, une personne courageuse, une personne déterminée, une personne qui peut apporter en plus à leur vie, à leur manière de penser, et aussi une personne qui pourra demain s'imposer au sein de notre société afin de faire changer les choses. Afin de faire changer les choses. Moi, j'ai une question. Oui. Bon, je dirais deux questions. Oui. On le sait tous, hein. Il y a Tissi et les musulmanes. Mm-hmm. Et avec tout ce qu'elle fait déjà, comment est-ce que sa famille voit ça, en fait? Parce que généralement, sans vouloir être un peu... Voilà. Généralement, dans les familles musulmanes, on a tendance à voir la femme, on va dire, côté de maman, avoir la femme peut-être déjà à un âge très rapide, là, être dans un foyer. Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu... De la pression. Voilà, la pression familiale, ou bien c'est libre, en fait? C'est libre. J'ai, par la grâce de Dieu... Des parents? Oui, j'ai des parents qui sont sur ce côté-là, qui comprennent peut-être la chose, mais ils ne mettent pas de pression, même si peut-être qu'ils n'aiment pas la chose, mais ils ne me font pas savoir. On me laisse. J'ai un grand soutien de mes frères et sœurs qui veulent vraiment que j'aille dans la voie que j'aime, que je veux vraiment. Et par mes petites interactions que je fais, ces membres-là sont fiers de ce que je suis en train de construire. Et par la grâce de Dieu aussi, je suis un modèle pour mes neveux, mes petits frères. Il n'y a rien de tel. Et qui tout le temps, je dis là, tata, ah, tu as fait ça, tu as fait la publication que tu as fait. Tout à fait. Ma deuxième question que tu as fait. Oui, vas-y, Fatim. Je peux? Oui, parce que Fatim m'a dit à l'entame de cette émission que, voilà, lorsqu'elle a reçu l'information, elle m'a dit, ah oui, c'est une grande sœur que j'apprécie beaucoup, alors je serai là pour elle. Voilà, ok. Non, mais donc je suis là. J'ai une question, oui, évidemment. Donc, vas-y, ma seconde question, la Denis là qui est timide, ça prouve énormément qu'il n'est pas à son poste et qu'il n'est pas polyvalent comme il le disait. Voilà. Donc, ma deuxième question, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'elle a eu le BTS, c'est ça? Mm-hmm. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle continue les études? Je ne peux pas dire que si je continue les études, parce que je fais des formations maintenant en ligne pour avoir des certifications. Je ne vais pas m'asseoir sur le banc encore. Donc, c'est plus l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est les projets. Plus avoir des certifications, avoir des compétences ailleurs qui pourront me permettre d'arriver là où je veux arriver. Mais en tout cas, je compte à continuer, pas m'arrêter au BTS, mais ça sera forcément en ligne. Ou bien à moi de trouver le temps pour pouvoir continuer le cours sans que cela n'ait un frein sur ce que je fais déjà. D'accord. Ok, alors Fatem, c'est vrai que tu as des questions, mais je vais faire un tour du côté de Johnny, mais d'abord on va rester avec toi. Koulibaly, est-ce que tu penses qu'ici à Boaké, les femmes, les filles peuvent faire quelque chose pour améliorer le vécu? Oui, ça je le pense haut et fort. J'ai très confiance en notre génération. J'ai très confiance en ce modèle de femme qui est en train de se construire, qui est en train de se réveiller. Les femmes peuvent, si elles le veulent réellement, parce que personne ne viendra faire la chose à notre place. Déjà, les jeunes filles aujourd'hui sont conscientes des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Oui. Elles sont conscientes de ce que nous avons besoin pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles aujourd'hui qui ont vraiment pris conscience, puis on voit que la chose est en train de se faire. Donc, je crois vraiment que la jeune fille au sein de la région du Béké, et plus précisément à Boaké, a beaucoup de potentiel pour pouvoir faire bouger les choses. Fera bouger les choses. Alors, avant de revenir toujours à cette notion de la capacité de la jeune fille à pouvoir faire changer les choses, alors Fatem, est-ce que dans l'histoire, on a déjà des femmes qui ont fait bouger quelque chose? Ce serait... comme dire qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on peut poser un peu le micro de Fatem? Parce que je... Non, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il a un souci avec moi. Voilà. Revois-toi. Hein. Voilà. Mais tu vois, je ramène Johnny à sa... Peut-être que tu es timide, face à ton idole. Non. Je sais pas, la personne que tu admises. Je suis plus timide qu'elle. Hein. Je suis plus timide qu'elle. Donc, je disais comme ça que, bien évidemment, il y a des femmes qui, dans les temps passés, ont lutté pour le leadership au féminin. Il y en a assez. Donc, oui. Si vous me permettez... Tu vas parler de qui, alors? Je parlerai de Rosa Parks, cette femme qui a marqué et qui continue de marquer par son expérience, par son histoire. et sa détermination. Tout à fait. Alors, on va t'écouter parler de Rosa Parks. Donc, comment certaines femmes ont participé au changement de la société? L'exemple de Rosa Parks. En 1955, dans une Amérique déchirée par la ségrégation raciale, Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery, oui, en Alabama. Oui, ce n'est pas que moi seul qui ai des difficultés de lecture ce soir. C'est l'inspiration, okay. Donc je continue. Okoya, tu vas nous aider en tout cas. Arrêtée par la police et condamnée à une amende, elle fait appel de son jugement et devient l'hérégie d'un mouvement national de défense des droits civiques. Oui. Son nom est resté un symbole, celui de la défense des droits des Noirs, dans une société gangrénée par la ségrégation raciale. La militante américaine des droits civiques Rosa Parks est née le 4 février 1913 dans l'Alabama. Sa mère, institutrice, lui inculque des valeurs d'égalité et de liberté et la scolarise à Montgomery Industrial School for Girls. Industrial School for Girls, fondée par des Blancs du Nord pour les enfants noirs de Montgomery, ex-capitale des États confédérés. Rosa Parks, une école de la lutte contre la discrimination raciale, ce n'est pas la première fois qu'un Noir refuse de se plier aux règles de la ségrégation raciale en vigueur. Et l'idée de faire un sitting dans un bus public ne vient pas de Rosa Parks, bien évidemment. Parmi ses prédécesseurs, on peut énumérer Irène Morgan en 1946, Lily Bradford en 1951 et la lycéenne Claudette Colvin qui ont toutes choisi ce mode d'action. Elle écrira plus tard dans son autobiographie « Mon histoire » aux éditions Book. On dit toujours que je n'ai pas cédé mon siège parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, pas plus en tout cas après une journée de travail habituelle. Je n'étais pas vieille, j'avais 42 ans. Non, je n'étais pas fatiguée que d'une chose. Non, j'étais fatiguée que d'une chose, c'était fatiguée de céder. Inculpée pour trouble à l'ordre public et non-respect des lois de ségrégation locale, Rosa Parks risque l'emprisonnement. Elle s'adresse pour sa défense à l'avocat Edgar Nixon. Dernier, saisissant immédiatement la portée symbolique du combat qui s'annonce, confie la défense de Rosa Parks à un avocat blanc qui transforme la défense de sa cliente en manifestation anti-ségrégation. En parallèle, un groupe de militants afro-américains se réunit autour d'un jeune pasteur alors inconnu, Martin Luther King. Effectivement, et là, on va plutôt dire que Rosa Parks, après sa protestation plutôt dans le bus, l'a emporté parce que j'en ai suivi après quelques jours de grève, les bus n'étaient pas remplis. Et après, le nom de Rosa Parks est devenu vraiment très très important pour une icône pour nous, etc. Quand tu prends connaissance de certains personnages de ce type, qu'est-ce que ça te fait, quelle impression tu as? Je suis enchantée, je suis vraiment heureuse parce que je me dis chacun en fonction de son époque a pu mener quelque chose pour pouvoir nous permettre d'être là où nous sommes. Oui. Déjà, les femmes ont le droit de vote, ont le droit de dire, de s'exprimer. Tout ça se fait grâce à des actions que les femmes d'avant nous ont milité pour qu'aujourd'hui les choses soient comme nous sommes. Et il y a encore des femmes aujourd'hui qui militent toujours dans ce sens-là pour que les choses soient encore plus équilibrées au sein de notre société. Ok. Alors maintenant, toi, quel est ton idéal? C'est vrai que tu nous as parlé de la lecture, de l'éducation sexuelle, qui sont bien sûr les grandes lignes de votre ONG. Quelle est ton ambition et ton idéal même de vie? À quoi est-ce que tu veux aboutir? C'est vrai, ces grands sont passés. On a leur nom qui est vraiment lié à quelque chose, à des actes précis. Et toi, quel est ton rêve aujourd'hui? Surtout que tu as boqué. surtout que je suis à Waïké, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir emmener la jeunesse, la jeune fille, plus précisément, mais en grande partie, la jeunesse de Waïké, à pouvoir se fixer des objectifs, à pouvoir prendre confiance en eux. Surtout, je le dis à chaque fois, la confiance en soi, c'est la base de toute chose. C'est, si je n'avais pas confiance en moi, je ne suis pas sûre que j'allais être assise ici aujourd'hui en train de vous parler. Donc, c'est de permettre à la jeunesse d'avoir confiance, de permettre à la jeunesse d'avoir une grande vision, avoir des objectifs et à vraiment lutter pour ce qui est essentiel, vraiment essentiel. On peut faire des luttes, mais quand ces luttes n'ont pas un objectif précis, je ne vois pas en quoi est-ce que le résultat sera favorable à toutes les personnes qui sont là. Donc vraiment amener toute la jeunesse à s'inscrire dans le processus de développement sain de notre communauté et puis à construire des leaders de demain. J'allais demander à 86 ans, tu aimerais qu'on dise quoi de toi et ta secrétaire et toute ton équipe? À 86 ans à 86 ans j'aimerais que lorsque les gens entendront Yatch ou bien Koyatch, ils se disent qu'il y a une personne qui a vécu des choses, a vécu, a eu un parcours pas tout rose, mais a réussi à nous laisser ce qu'on voit là. J'aimerais que les gens, à travers à 86 ans, quand ils entendront Koyatch, ils diront que grâce à Koyatch, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui arrivent à s'assumer. Il y a des jeunes gens qui arrivent à prendre certaines décisions. Ils arrivent aujourd'hui à pouvoir être des facteurs clés de notre communauté, de notre développement. J'aimerais que la motivation y reste au fait, que les gens se sentent motivés à chaque fois qu'ils vont entendre Yatch ou bien Koyatch, que les gens se sentent utiles, que les gens se sentent vivants. Ok, alors pour toi, hein, y a Johnny qui est là, Johnny. Mais attends, tu veux parler sur le quoi? Alors, vous n'arrachez pas la parole comme des petits pains. Alors moi, je les prends toutes. Alors Johnny, tu veux t'adresser bien sûr à Yatch. Oui, moi je voulais juste savoir. C'est vrai, son ONG n'a pas encore duré dans le temps. Mais est-ce qu'il y a vraiment des témoignages aujourd'hui, par exemple, d'un jeune garçon ou d'une jeune fille qui dit, par exemple, grâce à Koyatch, aujourd'hui, je m'intéresse à la lecture? Oui, il y en a assez. Pour la petite histoire, on a une plateforme en ligne, une plateforme sur WhatsApp, où on a plus de 500 membres. Je souligne que la plateforme s'est construite lorsque je participais au concours Miss 2.0. Oui. C'est sur cette plateforme-là qu'on faisait le vote, tout. Et après, lorsque nous sommes arrivés au final, c'était plus l'idée de Miss 2.0. C'était le projet proprement dit, Koyatch, la lecture. Et on a mis un système en place où chaque semaine, chacun devrait lire un livre et nous faire le résumé en fin de semaine. Et toi, tu en as lu combien? Je sais pas. Et la secrétaire? Elle sait qu'elle lit beaucoup parce que c'est elle-même qui est chargée de pouvoir recueillir les résumés et tout ce qui va avec. Et à la suite de ça, on propose des œuvres en fonction de ton goût, parce qu'on n'impose pas. En fonction de la thématique qui te sied, voilà, on te dirige vers quelque chose que tu pourras lire afin de plonger vraiment dans l'univers du livre. Il y en a des témoignages, comme tu viens de le dire, on est là il n'y a pas longtemps. Et je rappelle aussi que c'est le 24 février que nous avons fait le lancement proprement dit de Koyatch. Mais avant ça, certaines actions se sont suivies, telles que l'installation d'une mini bibliothèque dans une école primaire. On a donné des livres et tout ce qui va avec. Et ça va se poursuivre au fait. Le 24 mars 7 de ce mois-là, nous allons doter un autre établissement de mini bibliothèque et de livres, et ça va se suivre jusqu'en fin d'année. Et pour toi, quelle est la... Excusez-moi. D'accord, déjà, félicitations à vous. Merci. Et je voulais savoir comment vous faites pour motiver vraiment ces jeunes qui n'aiment pas la lecture comme moi à lire. Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... nous tous on aime, au fait. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé ce qui nous fascine. Voilà. Fait. Moi, je m'inscris dans un contexte où tu me dis que tu ne sais pas lire. La première question que je te pose, qu'est-ce que tu aimes quand tu vois quelqu'un lire? Mais toi, dans ta vie, en fait, c'est quoi qui te fascine? Si tu me dis que tu aimes les histoires d'amour, je vais te dire, je vais des œuvres qui parlent d'amour. Toi, qu'est-ce que tu aimes, en fait? Moi, ce que j'aime, tout ce qui est bizarre. Tout ce qui est bizarre. Moi-même, ouais. Je suis bizarre. J'aime tout ce qui est bizarre. Non, donc, c'est en clair. Fait, quand j'ai dit aux gens tout ce qui est bizarre, on me dit, mais... Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas précis. J'avais dit que c'est pas précis. Si, c'est un sens. Oui, c'est pas précis en fait. Mais voilà pourquoi je dis tout ce qui est bizarre, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de sens. Tout ce qui n'a pas de sens. Ouais. Non, mais tu as envie de te balader, te distraire, c'est un ça? Un peu comme de la fiction, non? Tout à fait. Voilà. Il y a des livres de fiction. Tu sais, les films de fiction que tu lis sont tirés des livres, au fait. Mm-hmm. Donc, il y a forcément ta place. On est plus de 7 milliards d'habitants. Et chacun a sa place. Chacun a sa place. Et pour toi, quelle est la dynamique du leadership à Boaké au niveau des filles? C'est vrai qu'aujourd'hui, on, voilà, bon, disons, réponds à la question d'abord, avant que j'enchaîne avec une autre. vous avez dit aujourd'hui, le processus de leadership au sein de la ville de Boaké, si je comprends bien, si je veux bien structurer. Oui, quand tu regardes le paysage de leadership, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, de filles, de jeunes filles qui montrent leur tête? Tout à fait, il y en a assez. Peut-être que ce n'est pas comme les gens voudraient, mais en tout se fait par étapes. Par étapes. Tu peux citer qui? Je peux citer déjà Assanatou Diarra. Assanatou Diarra, oui. Je parle des gens de ma génération. Oui. Assanatou Diarra, Salma Dao, Sali Dao. Oui, DS Corporation. Tout à fait. Et MK Milama. Il y a qui d'autre encore? Makoko. Makoko. Elles sont beaucoup présentes sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont là-bas. Tout à fait. Donc, c'est là-bas que la lutte commence proprement dit, et puis après. Mais par la suite, je peux dire, à Boaké, c'est maintenant que les gens sont en train de sortir, et surtout les jeunes de notre génération. Mais avant nous, il y a forcément des têtes au fait. Est-ce qu'il y a beaucoup font du concret, en fait? Parce que sur les réseaux sociaux, être leader sur les réseaux sociaux, ça peut être facile. C'est mais c'est pas comme toi, ton cas par exemple, où tu as une ONG qui est physique, qui agit, après on voit des photos, on voit les photos des activités, tes visites, avec tout ton groupe, un leadership sur les réseaux sociaux, est-ce que simplement pour les autres, tel que tu l'as dit, est-ce que ça suffit? Ça apporte vraiment, parce que déjà, il faut commencer à changer la mentalité des gens avant d'avoir quelque chose, je peux dire, de matériel. Voilà, moi par exemple, quand j'ai commencé, c'était avec mes petites notes d'histoire du soir, avec mes écrits. C'est d'abord de changer la mentalité des gens, leur faire accepter réellement ce que je veux faire, et puis leur permettre de savoir c'est quoi je veux au fait dans la vie, et puis par la suite passer par l'action proprement dit. Donc comme elle a dit tout à l'heure, c'est par étapes. Donc après cela, c'est clair que vous allez voir des résultats comme vous le souhaitez. Mais il ne faut pas mettre la pression sur les gens, chacun va à son rythme. L'essentiel, c'est d'arriver et puis donner un résultat qui sera favorable à tous. Bon, ne pas mettre la pression, mais qu'est-ce que toi tu souhaiterais voir aujourd'hui concrètement de la part de tes camarades, jeunes filles qui sont leaders, qu'on appelle leaders, entre autres, qu'est-ce que tu souhaiterais voir encore mieux de mieux chez elles? Comme vous l'avez dit, peut-être l'action, mais comme tout en leadership aussi, il y a les histoires de moyens qui vont autour. Voilà, donc, parlons de moyens aussi, tu pourras revenir là-dessus. Parlons de moyens, et si des jeunes filles entendent aujourd'hui Yatch à la radio, et puis elles se disent oui, je veux faire comme elle, oui, c'est vrai, et puis après d'autres se disent oui, tu veux faire comme elle, mais elle, elle a les moyens, c'est pourquoi elle fait. Sinon, j'ai les moyens. Nous ne sommes pas subventionnés par quelqu'un. Tout ce qu'on fait, c'est de notre propre poche. Ok, mais on se dit, est-ce que papa ne pousse pas quelque part? Est-ce qu'on n'a pas un tonton qui nous donne l'argent pour le faire? Pas du tout. Franchement, je sais que tout le monde m'écoute, mais c'est clair, en fait, c'est on somme avec la team, les personnes qui sont au sein de l'organisation, mais dans la main au puits avec les personnes qui ont accepté notre cause, que lorsqu'on lance souvent des collectes de livres, participent. Nous n'avons pas de partenaires ni de sponsors. Tout ce qu'on fait, ça vient de nos proches d'étudiants, notre agent de fascicule, qu'on met souvent aussi de côté pour pouvoir mener nos actions. Ça va se faire avec le temps, ça va venir. Mais ça va venir, c'est clair, mais pour le moment, c'est juste ça. Je veux juste dire qu'il ne faut pas attendre à avoir des milliers ou des dollars ou des millions pour pouvoir commencer une lutte. Okay. Donc, voilà, on peut commencer déjà avec notre état d'esprit. Et puis voilà. Ok, alors nous allons. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons écouter Johnny. Voilà, nous allons écouter Johnny qui va nous parler de quelque chose. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup quand on parle de leadership, etc. Mais et les autres filles et l'image de la femme. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors Johnny, tu vas nous parler de quelque chose qui a eu lieu, un événement qui secoue un peu la toile en Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Et ça me fait mal quand même, mais bon, je suis obligé d'en parler. Oui, il s'agit de quoi? J'aurais aimé voir peut-être l'histoire que j'allais rencontrer, comme celle de Yash. Mais malheureusement, il y a Lolo Beauté. Ah, je ne suis pas surprise. Ouais, qui, je ne sais pas à quoi elle voulait jouer juste. qui s'épilait comme ça sur la toile et la serviette est tombée. Bon, selon, quand tu dis selon, la serviette est tombée, on dit, comprend pas du tout. Elle avait attaché sa serviette autour de la hanche. Oui. Et là, je ne sais pas si c'est exprès. Selon d'autres, elle a fait exprès pour faire tomber, juste histoire de créer le buzz. Ou voilà. Et là, elle a, ses parties intimes sont sorties. Et voilà, un grand chéri. Oui, les parties intimes sont sorties. Il faut utiliser les mots qui sont clairs. Ce que moi j'ai vu sur la toile, c'est que le pétou se promène partout. Monsieur, laisse-moi terminer. Ok. Doucement. Ok, vas-y. Et là, elle s'est pas gênée. Hein. Elle a continué à faire ce qu'elle voulait faire. Et elle a commencé à faire de ses démonstrations. Franchement, et je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment, c'était pas joli à voir. Et puis bon, vu qu'aujourd'hui il y a des jeunes filles qui se promènent sur la toile, qui veulent peut-être être influenceuses en griffe, bon, moi je sais pas c'est qui est l'influenceuse juste, mais bon, c'était un peu ça. Okay, mais apparemment tout le monde a le bélier, donc du coup je sais pas. Okay. On en discute. Alors oui, tu voulais renchérir parce que vas-y, renchérir. Tout comme Yatch ici présente, beaucoup sont ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne dirais pas que moi, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, mais bon. J'étais là-bas, et dans mes balades, je tombe sur le poste de Lolo Beauté, qui est en train... Évidemment, je suis tombée sur la vidéo, hein, la première vidéo, parce qu'elle a fait deux vidéos. Oui, c'est-à-dire que la première vidéo, elle était en train de s'épiler à la cire. Et à paraît, la cire, c'est un produit. Oui, tout à fait. C'est un produit d'épilation qui ne coupe pas les poils, mais il paraît que ça déracine les poils, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça tire complètement. Alors, et le produit, il est chaud quand on l'utilise. Il est chaud et il fait très mal, à ce qui paraît, parce que moi, j'ai jamais fait. Oui, c'est donc, vrai, ça fait très mal. Et ça se voit déjà. Que tu n'as jamais fait, oui. Il paraît que Lolo Beauté est en train d'utiliser le produit pour la première fois. Oui. Et elle ne savait pas que ça faisait mal à ce point. Donc, elle utilise, non, je vais m'épiler à la cire. Donc, elle va faire un direct pour montrer à ses abonnés qu'elle est en train de s'épiler à la cire. Sans le savoir, le produit est chaud, ça brûle, ça fait mal. Et pas inattention, puisque c'était en serviette. Tu ne vas pas t'épiler en pantalon, bien tu ne vas pas t'épiler en tenue. Donc, dans la vidéo, puisque ça fait mal en sautant de douleur, là, tout était dehors. Et les abonnés ont commencé à dire que oui, elle a la partie intime qui est noire, qui n'est pas propre à tout. Et elle a fait une deuxième vidéo pour répondre, pour dire que oui, elle n'a pas une partie intime qui est sale. Et donc, elle fait une vidéo pour montrer à ses abonnés que sa partie intime n'est pas sale. Et il paraît qu'il comme on l'a bloqué sur les réseaux sociaux dernièrement. Donc, c'est un peu ça. Ah oui, merci de très bien nous relater. Le béret, de rien, de rien, Johnny. Je suis en place. Merci surtout à Johnny. Et aujourd'hui, j'ai cru entendre déjà hein, que, parce que je vois un titre où il y a des gens qui ont certainement réagi, il y a Claudie Sia qui a réagi. Mais je vois sur abidjanshow.com que Lolo Beauté promet un buzz de plus, hein, plus grave que celui qui vient de se. D'avoir lieu. Buzz, là, alors, Yatch, vu tout ce paysage, on parlait tout à l'heure des leaders qui sont sur les réseaux sociaux. On a des influenceurs, des influenceuses. On a des modèles à qui certaines filles veulent ressembler. Et aujourd'hui, vous qui vous plaignez tout le temps, vous qui êtes dans les associations, vous qui parlez des droits de la femme et de l'image de la femme, et quand la femme même montre un peu les parties intimes avec peu de respect, est-ce que comment vous jugez cela? Moi je me dis, quand on va sur les réseaux sociaux, chacun sait ce qu'il va y chercher. Tout à fait. Quand on veut trouver des modèles qui vont nous permettre d'avoir une meilleure conscience, on essaie de trouver la personne qu'il faut. Bon, à ce genre de truc, les buzz, les bérets, tout ça, moi franchement, dis, quand je vais sur les réseaux, je sais qui je dois suivre, je sais qui je ne dois pas suivre, en fait, en fonction de mes centres d'intérêt. Je m'abonne aux gens en fonction de mes centres d'intérêt. Maintenant, dans le sens où nous, on s'inscrit dans un cadre où on veut protéger les droits de la femme, mettre en application les droits de la femme, bon, là, je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun y va, puis chacun sait ce qu'il est venu chercher. Tout dépend de la conscience morale de chacun. si elle le fait, c'est que forcément, il y a certaines personnes qui s'attendent cela, en fait. Et puis, on ne peut pas, aujourd'hui, se plaindre que telle personne a fait ça ou ça. Mm-hmm. Puisque quand elle commence, on est là-bas. Ah, il nous regarde. Tout à fait, du début jusqu'à la fin. On condamne, mais tu es toujours là-bas, en fait. Sans vouloir même te regarder, la parole. C'est dit que si ça n'était pas arrivé, ils auraient regardé jusqu'à la fin, sans rien dire. C'est parce qu'il y a eu l'incident qu'ils se sont permis de commencer à parler sur les réseaux. Donc, voilà. Mais dans le fond, est-ce que c'est vrai aussi, hein, j'avais posé la question de savoir, est-ce que c'est normal? Par exemple, toi, tu as un corps de lecture, tu as des jeunes qui viennent, certains ont, chacun a sa liberté de suivre qui il veut, mais si tu découvres un jeune qui se prend de certains types de modèles, voilà, comment tu vas faire? Tu réagis ou tu laisses la personne en fonction de sa liberté? Ça sera être un leader qui fait du laisser aller, au fait. Oui. C'est clair, je peux pas voir quelqu'un qui est en train de faire, qui est en train de suivre un chemin qui va peut-être demain lui apporter une nuisance. C'est clair, je vais faire une approche en fonction du cadre, au fait. Mm-hmm. Tout dépend du cadre. Voilà, lui dire, ah, peut-être là où tu es en train de te diriger ne sera pas favorable pour toi aujourd'hui et demain. Et essaie de te reprendre en main et sache réellement ce que tu veux. Et on sent, au fait, si la personne, on peut pas vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas réellement. Mais non, si la personne adhère à ce que tu lui dis, ensemble, on essaie de trouver quelqu'un vers qui diriger la personne et puis essayer de faire d'apporter une meilleure conscience à cette personne-là. Est-ce que tous les influenceurs sont des modèles? C'est quoi, on toutes les influenceuses? Ah oui, c'est un mot qui est imposé, donc on l'utilise comme ça. Mais toi, tu pourrais nous donner un peu plus de détails. Je ne veux pas indexer quelqu'un, mais c'est clair que tout influenceur n'est pas forcément un modèle. Tout à fait. Voilà, déjà avec tout ce qui se voit sur les réseaux sociaux, c'est clair qu'il faut vraiment contextualiser le thème vraiment influenceur, savoir réellement ce que ça veut dire, puis l'adresser à qui le mérite proprement dit. Donc je pourrais répondre que c'est clair que tout influenceur n'est pas modèle aussi. Oui, tout influenceur n'est pas forcément modèle. Un modèle. Oui, c'est clair ce que tu dis. Voilà, donc c'était juste pour s'apesantir sur ce fait-là où, par exemple, on demande d'une part que l'on respecte la femme et d'autre part la femme qui s'exhibe. Tout à fait, la femme aussi doit se faire respecter. Doit se faire respecter. La femme qui aujourd'hui s'exhibe sur les réseaux sociaux, c'est clair que les gens vont te prendre tel que tu te présentes, au fait. Demain, ne viens pas te plaindre que au sein de ma société, voilà comment on me traite, voilà comment on me traite. Oh, c'est toi-même qui a choisi le cadre. Mm-hmm. Donc, il ne faudra pas venir de moi se plaindre. Quand tu occasionnes, tu assumes. Tu assumes. Est-ce que la technique est prête? Parce que là, on a une femme qui veut interroger, avoir une discussion face à face, directe avec son idole, en tout cas une personne qu'elle apprécie beaucoup déjà. Est-ce que la technique est prête pour accompagner, bien sûr, notre femme? J'ai aimé. Ok. Bonsoir, mademoiselle Yatcha Koulibaly. Bonsoir. Je crois que vous êtes confortablement installée. Tout à fait. Merci. Nous sommes dans l'heure de la vérité, la rubrique qui nous permet à nous ainsi qu'à nos auditeurs de mieux connaître nos invités. Je suis Fatem Koulibaly et comme son nom l'indique, l'heure de la vérité, eh bien vous êtes Miss Koulibaly dans l'obligation de répondre par la vérité et que la vérité. Nous le savons, une route peut prendre mille directions, mais comme j'aime si bien le dit, la vérité, elle, n'en connaît qu'une seule. Sans plus tarder, dites-nous la vérité. Miss Koulibaly, aujourd'hui nous parlons de leadership au féminin. Eh bien, est-ce que vous parvenez à concilier études et projets? Si oui, comment? Tout à fait, j'arrive à faire les deux. D'abord, j'essaie tout le temps de faire la part des choses dans mes prises de décisions et dans ma vie. Je sais à quel moment je dois militer, je sais à quel moment je dois prendre du temps pour moi-même, pour ma construction professionnelle et aussi mon insertion sociale. D'accord. Nous le savons tous, à un moment de la vie, surtout en tant que jeune fille, nous avons l'impression de nous éloigner de nos objectifs, nos projets et bien d'autres. À quel moment de votre parcours avez-vous donc eu l'impression de basculer, d'emprunter un autre chemin, de vous dire c'est clair, je suis sûre de ne pas y parvenir? C'était après l'obtention de mon BTS, voilà, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais vraiment pas quoi faire parce que après le BTS, je voulais continuer les études hors du pays. Et c'était après beaucoup d'échecs pour les établissements. Certains établissements m'avaient accepté, mais par faute de moyens, je ne pouvais pas continuer l'aventure. Donc à ce moment-là, je me disais, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas réussir dans la vie, au fait. Et ça m'a plongée dans une dépression qui n'était pas son nom, quelque chose que je ne raconte pas. Mais avec la grâce de Dieu et tout ce qui va avec, j'ai pu reprendre sur moi, trouver l'essentiel de ma vie et aller de l'avant. Quel a été l'élément déclencheur de votre soif de vaincre et de réussir à tout prix? C'était un 25 mars 2021, au décès de ma maman. Voilà. Après cela, parce qu'elle était malade, elle est tombée malade gravement et toute la famille a participé au fait qu'elle revienne sur pied. Puisque je suis la dernière de ma famille, j'ai pas du travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas vraiment contribué. C'était juste la prière que moi je faisais afin qu'elle puisse aller mieux. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas contribué à l'épanouissement du moment qu'elle était en vie. Donc tu dois vraiment te reprendre en cause. Être vraiment quelqu'un sur qui les gens peuvent compter, que ce soit le côté financier, physique. Et je peux vraiment dire que c'est là que tout s'est réveillé en moi, le fait de vouloir vraiment travailler, gagner ma vie et puis aider mes petits frères et mes neveux que j'appelle mes petits frères à demain être des personnes à arriver là où moi je n'ai pas pu arriver par faute de moyens. Ravi que la soif soit revenue. Lorsque vous prenez du recul et que vous regardez votre parcours actuel, quelle a été votre plus belle réussite aujourd'hui? Ma plus belle réussite, c'est actuellement la création de Koyach. Voilà, parce que je ne croyais pas que j'allais pouvoir y arriver. Donc pour moi, c'est l'une de mes plus grandes réussites jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup eu. Mais je peux dire ma peur de mon courage à affronter un public tout au long du concours Miss 2.0. À participer au concours Miss 2.0, ça a été l'une aussi de mes plus belles réussites. Sans oublier Koyach, qui est mon petit bébé au fait. Parlons du projet Koyach. Quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées? On en a eu tellement, je ne sais pas quoi citer. Les plus grandes difficultés, c'était avoir une équipe qui adhère au projet, qui prend le projet tel que moi je le vois au fait. Avoir des personnes réelles sur qui je vais me poser, me donner des conseils afin d'aller de l'avant. Donc c'était ça en fait. C'est vrai qu'il y en a assez, mais ça c'était le point le plus compliqué. Travailler avec des personnes qui sont pour le projet, mm-hmm. qui sont prêts à donner leur corps, leur âme afin que le projet puisse atteindre l'objectif ultime. D'accord. Bien vrai que la société, depuis plusieurs années, mène le combat pour l'autonomisation de la jeune fille. Nous sommes d'avis qu'il existe toujours des préjugés sur le sujet. Avez-vous déjà été victime de ce genre de situation où l'on vous a fixé des limites juste parce que vous êtes une fille? Tout à fait. Parce que je suis une fille et parce que je porte le voile. On m'a toujours dit que cela allait être un frein, que je n'allais pas y arriver. Même pour moi, c'était des encouragements. Je me dis, c'est clair qu'il n'y a pas de personne comme moi. Et je vais tout faire malgré ce que les gens pensent de moi, malgré ma personnalité à y arriver. Donc je voudrais tout simplement par votre Lucane dire merci à toutes ces personnes qui m'ont dit que je n'allais pas y arriver. Je veux leur dire que je vais y arriver. Merci donc. Miss Yach est issue d'une famille musulmane. Et elle est elle-même très pieuse. Et nous le savons, les musulmans ne badinent pas avec le foyer. A-t-elle déjà été sujet de mariage? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. La vérité, rien que la vérité. Tout à fait. J'ai pas encore été sujet de mariage. On m'a pas imposé. Dans ma famille, c'est flex. Hein. D'accord. C'est flex. Nous sommes dans une société qui aujourd'hui veut faire croire à la femme que sa place est à la cuisine ou encore qu'après 27 ans, ses sens au mariage sont réduits. Qu'en pensez-vous? C'est faux. Déjà, le mariage n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Bien vrai que c'est un pan de ma vie que je veux vraiment atteindre. Je veux vraiment atteindre, au fait. Parce que je grandis dans une famille assez traditionnelle, avec maman, tout ce qui va avec. C'est vrai que le mariage n'est pas une fin en soi, mais il ne faudrait pas se repousser la chose, au fait. Avant, c'était un moment plus simple, puisqu'on est dans une société qui juge par ce que tu es, dans quoi tu es. Donc, il y a certaines femmes aujourd'hui qui sont heureuses qui ne sont pas mariées sont heureuses et elles apportent beaucoup de choses à leur foyer. C'est pas, c'est un choix de vie au fait. Il faut laisser le choix à tout le monde de pouvoir faire ce qu'il veut. Et enfin, pensez-vous qu'il est possible pour une jeune dame avec de grands rêves comme vous de faire les études, d'avoir des petites activités d'entrepreneuriat et de penser cheminement avec un homme au mariage? Tout à fait. Bien sûr que oui, c'est possible. Il faut tout simplement avoir une personne qui te comprend, qui te soutient, qui... Déjà, le foyer, c'est l'idée de deux personnes, on se soutient mutuellement. Donc, pour moi, c'est possible. Et c'est, j'espère vraiment, c'est l'une de mes prières, que la personne que Dieu mettra sur mon chemin pourra me comprendre, me polir dans ce que je fais. Ça sera vice-versa. Merci d'avoir répondu à nos questions par la vérité et que la vérité, c'était tout. Est-ce que la personne est déjà calée? On va applaudir quand même. Elle a répondu. Est-ce que la personne est déjà calée? C'est toujours dans le questionnaire. Je réponds mon bateau maintenant. Parce que apparemment, il y a assez de célibataires. Voilà. Simplement, il y a que célibataire, je ne suis pas mariée. Célibataire voilà. Sans enfant. Mais il y a quelqu'un dans le collimateur. Oui, mais quand tu finis tes activités, tout ça, tu te laves, tu as fini de manger, tu veux t'endormir, tu n'as pas quand même envie d'envoyer un message à quelqu'un, à part ta secrétaire. Hein, voilà. À part ta secrétaire, envoyer un petit message, bébé, bonne nuit. C'est quoi ça? Non. Ça ne te vient pas à l'esprit? Pas du tout. Pas du tout. Franchement dit. C'est clair que bon. Je ne suis pas fiancée, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà. Et pourquoi tu es dur de cœur, c'est ça? Je ne suis pas dur de cœur, mais chaque chose vient avec le temps. Mais si tu ne laisses pas, est-ce que tu penses que si tu ne laisses pas faire, est-ce que ça pourra se faire? Ça va se faire. Tu n'es pas pressé? C'est pas que je ferme la porte. Tu n'es pas pressé? Non, comme je le disais tout à l'heure dans son questionnaire, chaque chose en son temps. Puis il faut laisser les personnes vivre la vie. Même si c'est 43 ans, c'est pas grave. Faut pas me souhaiter ça. Ah oui, non, en fait, je ne veux quand même pas te souhaiter ça. C'est juste que y a des personnes qui parlent dans mon oreillette qui me disent que voilà. Voilà. Si le champ est libre, voilà. Ils sont mais même prêts à déposer. Tout comme mes projets, Koya, tout le mariage, c'est l'un de mes projets. Ah ouais, voilà. Ouais. D'accord. Bah, ils ont parce qu'en tant que musulmane, on ne peut pas imaginer, en tout cas, une personne, une femme qui vivrait seule. Tout à fait. Ouais. Ok, alors, quand même, tu nous laisses une fin. Il faut nous laisser respirer. Ouais. Allez-y. Voilà, on va faire un tour du côté de la technique, bien sûr. On va écouter un peu de musique avant d'emporter la toute dernière partie de cette émission. Et voilà. Monsieur Durand l'architecte, le contournant Borisséa. Et quand c'est en l'air, c'est God. C'est Dieu. pas la mélodie. Aliano va vite. Merci, mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio BK FM. Vous écoutez toujours le débrief de la semaine et aujourd'hui, on reçoit Koyach, qui est l'ONG, et Yach Koulibaly, qui est bien sûr la fondatrice de cette ONG. Et mesdames et messieurs, si je vous disais, peu importe ce qui vous pèse en longueur de journée, continuez à être un facteur de bien-être pour les autres. C'est signé? Yach Koulibaly. Yach Koulibaly, personne ne peut voler cela, et c'est clair. Voilà, donc Yach, pour la dernière partie de notre émission, nous sommes à la fin déjà. Voilà, j'aimerais que tu t'adresses beaucoup à tes sœurs, petites sœurs, voilà, qui sont perdues. On dit que la jeunesse ivoirienne a un problème de modèle aujourd'hui, de repère. Tout à fait. Alors, je pense bien que dans notre société d'aujourd'hui, les repères sont en train de se construire. À nous maintenant de savoir réellement qui on veut suivre au fait. Il faut pouvoir s'identifier à quelqu'un. Mais le message n'est pas à mes petites sœurs ou à celles qui voudraient faire comme nous. Et aussi les grandes sœurs. Tout à fait. Qui n'assument pas l'image de ce qu'on a vu, on voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout à fait. Le message est aussi pour ces personnes-là qui se disent influenceurs. Le message est qu'il faudrait qu'ils trouvent réellement la connexion qu'il y a entre eux et puis les personnes qui les suivent au fait. Comme je le disais dans une partie de l'émission, on s'accroche plus à une personne lorsqu'elle a vécu la même chose que nous. Donc il faudrait que les gens soient réellement concrets et véridiques avec les personnes pour lesquelles elles adressent un message au fait. De ce fait-là, je crois bien que toute la jeunesse et la génération d'aujourd'hui pourra avoir réellement un modèle sur qui s'appuyer, sur qui tirer exemple, puis mener sa vie proprement dit. Ok, et moi je voulais demander un truc en fait. Est-ce que selon toi, il y a réellement des influenceurs en Côte d'Ivoire vu que de temps en temps tu traînes un peu sur la toile? Bien sûr, il y a des influenceurs. En premier lieu, je peux citer moi la personne que j'aime beaucoup et que je cite comme influenceur de par leurs actions, de par leur leadership, de par leur sens d'écoute et de par leur apport à la communauté. En premier lieu, je cite tout le temps mon amie Marie-Lucienne Guesson, qui aujourd'hui, personnellement pour moi, c'est quelqu'un qui me motive assez. C'est quelqu'un qui me donne tout le temps des conseils dans mes prises de décisions ou bien dans la faisabilité de mes actions. C'est quelqu'un en qui je me vois au fait, mais d'une autre manière. Je vois une personne qui a rencontré assez de difficultés sur sa vie, mais qui par la foi et son travail et son courage aussi réussit à se construire ce que nous voyons aujourd'hui. Donc après elle, il y a aussi Sophora Kodjo qui milite beaucoup pour la jeune femme aujourd'hui avec son organisme et tout ce qui va avec. Il y a aussi Aïcha Gladys que je salue de passage, qui est mon mentor, qui de par ses actions aussi est réellement un modèle. Même si les gens ne la considèrent pas comme influenceuse, parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, c'est ce qu'on voit là. Ouais. Voilà. Ben moi, donc, je ne les considère pas comme des influenceurs en réalité. Ouais, là, c'est ton jugement. Hein. C'est personnel. C'est bien dommage, mais on a comme l'impression que la jeunesse aujourd'hui confond les réels influenceurs, en fait. C'est vrai que l'influenceur, il peut influencer positivement comme négativement, mais je pense qu'on doit appeler influenceur celui qui influence la jeunesse positivement. Mais ils confondent les choses, en fait. Ils se font des idées où ils prennent des personnes comme influence, mais qui influencent leur vie négativement, qui ne leur apportent pas vraiment quelque chose. Ça, c'est très, très dommage. Oui, mais est-ce que c'est la jeunesse qui le fait? Parce que quand on est aussi... On dit que quelqu'un n'est pas influencé, que ce n'est pas un véritable modèle, et que cette personne est reçue dans un ministère et qu'il y a des photos avec le ministre qui le félicite, qui l'encourage. Alors, qu'est-ce que tu vas te dire en tant que jeune? Moi, je pense bien que c'est aujourd'hui la société même qui doit bien choisir là où est-ce que on doit aller. Parce que quand ils sont pas influenceurs par hasard, parce que le fait qu'ils arrivent à capter des personnes intéresse des gens aussi qui les encouragent dans l'ombre. Alors, Yach, Nous allons passer à la dernière partie qui est le moment des cartons. On va donner des cartons. On sait bien que il y a des actions qui sont passées dans la semaine. Le principe, c'est ça. On va donner un carton de soit de couleur verte, couleur jaune ou orange. C'est, rouge plutôt. Voilà, la couleur rouge, c'est pour sanctionner correctement une action. La couleur verte, c'est pour valider une action ou un. Et aussi la couleur jaune, c'est pour donner un avertissement. Voilà. Donc on va commencer par là. On va faire le tour de table. Le temps que tu trouves l'événement auquel tu penses de la semaine qui t'a marqué, soit au plan national ou à Boaké ici ou à l'international. Ça peut être aussi une personnalité, hein, ou bien un organisme. Donc tout, on peut donner carton vert ou carton jaune à tout le monde. Ok, alors on va commencer par Fatem comme toujours. Fatem, tu vas nous donner ton carton. Ok. Je donnerai un carton vert, oui, pour une organisation. Laquelle? Et la responsable est en face de nous. Okay. Il s'agit de Kouyatch parce que récemment, j'étais, comme je le disais, je me promenais sur les réseaux, oui, et je suis tombée sur le poste qui mettait en avant la mini-bibliothèque avec les livres. Et pour une jeune fille, mm-hmm, surtout dans la société, dans pour une jeune grande sœur aussi. Mais aussi pour une jeune grande sœur, comme j'aime si bien le dire. Ouais. Elle ne sait pas peut-être, mais c'est un modèle. Okay. Voilà, c'est déjà à saluer ce genre d'action, ce genre d'acte. Donc, un carton vert. Et j'espère que vraiment les jeunes vont s'inspirer pour être de réels, réels, réels leaders de demain. Ok. Alors, merci, carton vert. Donc, Johnny, quel carton tu donnes moi, à qui? Je donne un carton rouge. Oui, si, je dirais même 5 cartons rouges. Waouh. Ah ouais, merci. Elle a lu dans ses pensées. Oui. Ok. Ouais, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi? Bah ça, je me dis, c'est des actions, des actes à bannir en fait. À bannir. C'est pas un exemple pour que ce soit un garçon ou. C'est pas un exemple en fait. C'est des trucs qu'on doit vraiment voir dans le pays et puis voilà. Ce n'est pas à copier-coller. Ouais, c'est c'est à bannir, à bannir et à bannir. Ouais. Alors, Yach. Moi, je vais donner un carton vert, à une action qui s'est produite à quelques kilomètres d'Abidjan. J'ai plus trop le nom de la ville en tête, oui, mais c'est une action venant de Larissa Mongo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Larissa Mongo, certainement. C'est une jeune fille très dynamique qui a rendu visite dans un orphelinat. En fait, lors du vivant de son papa, il allait là-bas et faisait des dons. Et à l'occasion de l'anniversaire de son papa, elle est partie là-bas et elle a partagé des plats avec les enfants, discuté avec les enfants, connaître leurs réels besoins. Et moi, je dis que ce sont des actions comme ça qu'il faudra encourager. C'est-à-dire, avec rien au fait, on peut soulager une personne. On peut coudre la blessure qu'il y a au fond du cœur d'une personne. Donc, j'invite tout le monde, vraiment, même si c'est pour écouter, apporter ne serait-ce à un temps d'écoute à une personne, vous ne savez pas à quel point ça peut faire du bien à la personne, en fait. Généralement, on a du mal à s'ouvrir, mais il faut trouver les techniques et les moyens qu'il faut afin d'être beaucoup plus proche des gens et puis savoir ce qu'ils vivent et puis comme tu peux participer à leur épanouissement. Participer à leur épanouissement. Merci pour ton carton vert. Moi, je pense que l'émission va donner un carton rouge à ce qui se passe actuellement en Tunisie où des Ivoiriens, les Subsahariens plutôt, sont menacés. Voilà, parce que on leur reproche de venir arracher les boulots des Tunisiens et surtout de contribuer à la misère de la Tunisie. Et donc, des étudiants qui étudient en Tunisie depuis 2 ans, 3 ans, sont mal vus, ils donnent les témoignages dans les médias, c'est-à-dire que même quand ils sortent pour acheter du pain, tout ça, on les regarde d'une certaine manière, vraiment avec beaucoup de mépris, et par moments des mots qui accompagnent, partez chez vous, des étudiants qui sont dans leur chambre, enfermés pendant une semaine, qui ne sortent pas, on peut venir comme ça les effrayer et frapper la porte et puis les menacer. Pour ajouter même à ça, il y a le ministre et la présidence en Tunisie qui a décrété un délai pour que tous ceux qui veulent rentrer puissent rentrer. C'est dit que ça a pris tellement une ampleur qu'on veut libérer la Tunisie de tout ce qui est toute personne qui a la peau noire en fait. Voilà, donc, parce qu'ils sont eux-mêmes des Africains. Oui. Pour ajouter, j'ai vu un communiqué hier où le gouvernement ivoirien a octroyé près de 500 milliards pour pouvoir faire rentrer tous ces Ivoiriens. Mais moi, ce que je déplore, c'est que ils ont demandé à ce que les Ivoiriens partent à l'ambassade pour pouvoir se faire enregistrer et rentrer. Pourtant, on a conscience de la situation actuellement. Ils ne peuvent pas se déplacer. Quand ils sortent, ils sont tabassés ou bien agressés. Effectivement, on les arrête aussi pour les emprisonner. Tout à fait. Le digital aujourd'hui, on peut tout simplement lancer un formulaire afin qu'on puisse remplir et puis récupérer les gens. C'est vraiment déplorable. En tout cas, on espère, on est dans la prière et surtout qu'il y a des autorités, il y a la diplomatie qui existe toujours. Peut-être que la Côte d'Ivoire va pouvoir rentrer en contact avec les dirigeants tunisiens pour que l'arrivée, le retour des Ivoiriens, on ait un retour volontaire pour ceux qui veulent venir. Voilà, c'est pas sûr que tout le monde. Après, même ce retour volontaire là qui a été et possible là, ceux qui ne viendront pas là, c'est à leur risque et péril en fait, parce que c'est qui va suivre là. Mais c'est clair qu'il y a certaines personnes qui diront que non, je ne rentre pas parce que je construis tellement de choses ici, je construis ma vie. C'est clair. Pourtant, mais là, la raison, tout le monde a su que. En tout cas, on a fini l'émission. On allait juste demander si Yatch, vous avez le choix. Soit vous nous proposez le titre d'un livre qu'on va lire pour dormir, et soit vous nous proposez un poème. Mais d'abord, les deux premiers choix, un poème ou un chant. Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes... voilà, propose-nous un poème ou un chant. Un poème ou un chant. Chant, d'abord, la troisième alternative, là, ça sera le livre. Mais d'abord, un poème ou un chant. Moi, je préfère le chant. Laisse-la choisir. Chante déjà, en fait. Non. Ah oui, n'importe quelle chanson. Poème. Un poème, plutôt. Un poème. Un chant, je ne suis pas très chanson. Oui, attends, poème, je vais poème. Trouver. Un poème. Oui, soit un poème, ou tu nous donnes le livre, le nom d'un livre de chevet. Laissez-la faire son choix, ne l'influencez pas. Un livre, je vais proposer. Pas si tôt, réfléchis d'abord au poème. Alors, poème. Johnny, voilà. Je sais pas, bon, je vais proposer une chanson. Oui. La chanson de qui ce que tu écoutes actuellement, peut-être. C'est que en fait, là, moi, mes chansons, quand une chanson me plaît, c'est là que j'écoute. Je vais proposer Kiss Daniel Bouga. Ouais, Bouga. Ah ouais. Oui, Bouga. Hey. Donc, tu vas nous chanter le... Non, je ne sais pas chanter. une chanson qu'on va chanter. Ah, bon, faut nous préparer quelque chose. On va chanter ensemble. Voilà, on va faire du bruit. Ouais, on va faire du bruit. Tu places Kiss Daniel, c'est ce qu'a demandé Yatch. On va terminer en beauté cette émission avec cette très belle chanson de Kiss Daniel. Donc, c'est ce que tu aimes en ce moment? Oui, j'aime beaucoup la chanson depuis qu'elle est sortie jusqu'à maintenant. Je l'écoute beaucoup en boucle. Pourquoi tu aimes tant cette chanson? Ça parle de quoi au juste? Bouga, ça veut dire tout simplement, on incite les gens à se lever. Lève-toi, tu vas aller chercher ton argent, travailler. Si quelqu'un te doit, va prendre ton argent. Si elle ne te donne pas, va courir encore plus. Vis la vie, au fait. Sois à fond. C'est dire qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Voilà, il ne faut pas dormir, il faut être à fond. Il faut être dans l'action. Ok, alors et là, ça ne vient pas jusque-là. Donc, Bouga, ça ne vient pas. Kiss Daniel, c'est une chanson, il fait fort actuellement. Et il a déjà un autre hit qui fait plaisir un peu partout à travers toute l'Afrique. Il était à Abidjan dernièrement. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question. Vous, si vous deviez choisir une chanson, ça serait laquelle en fait? Oh oui, je suis un peu comme Yatch. Je suis un peu comme Yatch. Pour le moment, moi, j'aime bien Awadi. Didier Awadi, quand on refuse, on dit non. Oui. Oui, oui. Oui, il faut toujours dire non. Oui, quand on refuse, on dit non. Moi, c'est bébé, ça va, c'est moi. et aussi on a une parole, ça confirme, hein, quand on refuse, on dit non. Il y a un texte qui dit aussi que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Voilà, et quand il dit non, c'est vraiment non. Il faut être radical. Tout à fait. Et en Dula, on dit ni bana, il a fonte. Ni banaï banaïa fonte. Voilà, oui, c'est bien ça. Voilà, le refrain de la chanson. Ibana iba fonte. Voilà. Un mot pour régler. Alors, on a du mal à nous trouver. On va dire au revoir à nos auditeurs de nous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro. Et on recevra certainement Ismaël Koulibaly, qui est fondateur d'une agence de voyage. Et Aya, tu le connais? Oui, Ismaël Koulibaly. Tout à fait. Voilà. Il se promène souvent avec des gardes du corps qui sont aussi voilés. Voilà, donc ce vendredi, on retrouvera ici Ismaël Koulibaly sur le plateau pour échanger. Voilà. Fatem. J'aimerais qu'elle nous donne un mot de fin quand même. Après tout, c'est mon modèle. Ah oui, c'est vrai. Alors d'abord, je tenais à vous dire merci pour l'opportunité, la lucarne que vous m'avez donnée afin de m'exprimer sur le thème du leadership, que j'espère qu'on ne va plus conjuguer au féminin, mm-hmm. et qu'on va tout simplement dire leadership, et amener toute la jeunesse à vraiment oser pour sa vie, oser être en plein dans les actions, savoir réellement ce qu'elle veut, se retourner vers les personnes qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs ou bien même à se découvrir. Et à toutes ces jeunes filles-là qui ont peut-être perdu espoir en la vie, leur dit que tant que le souffle de vie est renouvelé, il y a encore de l'espoir et que tout peut changer. Et dans tout ça, on fait comment pour recevoir ton, pour intégrer ton ONG? Pour intégrer Koyaj, c'est simple. Il faut d'abord adhérer à notre cause, la promotion du livre et de la lecture. Et si moi j'intègre, est-ce que je peux remplacer la secrétaire? Tu as du boulot, hein? Vous aurez un grand boulot à faire parce que là, mais aussi vous pouvez nous contacter au 07 67 oui. 49 13 89 et aussi, je sais pas ton numéro, je vais donner le numéro, de, le deuxième numéro que j'ai oui. pas. Oui, le numéro de la secrétaire. Tout à fait, oui. que j'ai pas en tête. Mais d'abord, je répète l'autre numéro, c'est le 07 67 49 13 89 ou aussi au 05 74 55 81 42. 42. 05 74 55 81 42. Merci. On a déjà trouvé notre chanson, allons-y. On va écouter ça et terminer. Au revoir, mesdames. Bye bye. À la semaine prochaine. C'est une ambiance de feu avec vos chroniqueurs préférés. Le débrief de la semaine, c'est l'actualité, la musique, l'humour et surtout de la bonne humeur pour un bon début de week-end. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez-les chaque année, l'été comme l'hiver. Et on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Le débrief de la semaine, on s'en jaille tous ensemble. Bon, Ouais, allons-y. Alors, tu me donnes le coup d'envoi quand tu es prêt, tu me donnes le feu vert. Oui, et puis surtout, on m'a parlé de certains handicapés qui sont très puissants. Sur quel plan Ouais, ils gagnent les jolies femmes. Le débrief de la semaine. Le débrief de la semaine.